FrenchPod.com. Chérie, je viens de voir la petite déguisée en sorcière dans la rue. Ne t'inquiète pas, c'est son costume d'Halloween. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Elle va faire le tour du voisinage ce soir pour demander des bonbons. C'est nouveau ça, ce n'est pas une tradition de chez nous. T'es vraiment vieux jeu. De plus en plus de gens célèbrent Halloween. En tout cas, pas moi. Allons chérie, regarde le magnifique costume de squelette que je t'ai acheté pour accompagner les enfants. Quoi? Tu plaisantes?